Chapitre 24e. Comment, c'est toi? À cette heure? Madame Sénéchal regardait tour à tour avec inquiétude Angèle et la caisse que le concierge venait de déposer dans l'antichambre. Pourquoi tu quittais Vélizy? Parle donc, que s'est-il passé? Rien, répondit la jeune fille en rougissant. Je m'ennuyais là-bas, et je suis revenue. Pour quelques jours? Pour toujours. Écoute, maman, reprit-elle en embrassant la mère Sénéchal, j'ai réfléchi. Nous ne pouvons pas abuser plus longtemps de l'hospitalité qu'on nous a offerte. Je me porte bien, il faut que je me remette au travail. Je perdais mon temps à Vélizy, et je suis décidée à chercher un engagement. Quant à cela, tu n'as pas tort, et lorsqu'on a ton talent, ma fille, c'est pitié de moisir à la campagne. J'espère que M. Les Armoises entendra raison. Dame, s'il t'aime, il faut qu'il en prenne son parti. Le théâtre te réclame, et tu ne peux pas briser ta carrière pour ses beaux yeux. Angèle l'embrassa de nouveau pour l'empêcher de continuer. Il ne retournera pas à la campagne avant lundi, dit-elle rapidement, et d'ici là, il est inutile qu'il connaisse ma résolution. Maintenant, allons nous coucher, je tombe de sommeil. Elle mit ses roses dans l'eau et s'enferma dans sa chambre afin d'y pouvoir pleurer à son aise. Elle était bien décidée à chercher dès le lendemain un engagement dans les conditions où elle le désirait, c'est-à-dire loin de Paris. Cela devait être facile. À la salle Corneille, elle avait souvent entendu parler de certaines agences qui se chargent d'expédier des artistes en province. Au matin, elle déjeuna silencieusement près de sa mère, qui n'était pas encore remise de son étonnement, puis elle sortit pour commencer ses recherches. Elle ne se souciait pas de se renseigner près de Saint-Félix ou de la Genevraie. Tous deux étaient en relation avec René, et elle tenait à ce que celui-ci ignorât le lieu de sa retraite. Tout en forgeant des combinaisons, elle traversa le Luxembourg. Arrivée au boulevard Saint-Michel, elle monta dans l'omnibus de la Porte Saint-Martin. Dans ce quartier des théâtres sont groupées la plupart des industries qui tiennent de près ou de loin à l'art dramatique, et elle espérait bien y obtenir les renseignements dont elle avait besoin. Elle longeait mélancoliquement le boulevard quand une main se posa sur son bras. En relevant la tête, elle reconnut une ancienne camarade de la salle Corneille qu'on nommait Mademoiselle Sabine. « Il y a un siècle qu'on ne vous a vue, ma chère, » s'écria celle-ci. « Que devenez-vous ? » En quelques mots, Angèle la mit au courant de sa situation et de son désir. « Comme ça tombe bien, » reprit Mademoiselle Sabine. « Je vais justement à mon agence. Venez-y avec moi. Massador vous trouvera votre affaire. » Elle l'emmena rue de Lancry, et ils entrèrent dans une maison de maussade apparence, dont la porte étroite et béante était séparée du trottoir par une barrière à claire-bois. Elles traversèrent une allée nauséabonde, une cour humide et profonde comme un puits, et après avoir gravi un escalier boueux, s'arrêtèrent au troisième en face d'un écriteau sur lequel on lisait Massador, agence théâtrale. « C'est ici, » fit la compagne d'Angèle en poussant la porte sans façon et en introduisant son amie dans une espèce d'antichambre garnie de banquettes où un pauvre diable, long, maigre, efflanqué, boutonné jusqu'au menton dans un vieux pardessus noisette, était occupé à nettoyer une lampe. « Bonjour, Alexis, » poursuivit Mademoiselle Sabine, qui avait l'air d'être là comme chez elle. « Peut-on voir Massador ?» L'homme au pardessus releva sa tête blême et glabre, ornée de rares cheveux gris, et répondit d'une voix timide en tirant ses manches trop courtes sur d'immenses mains rouges. « Monsieur Massador est en conférence avec une artiste. » Mais si ces dames veulent passer dans le salon d'attente, il y a déjà du monde. Il y avait du monde, en effet, un monde curieux, aux toilettes étranges et au langage plus étrange encore. Angèle, qu'un mois entier passé près de René des Armoises, avait déshabitué des façons du monde cabotin, se sentit mal à l'aise à la vue de cet ensemble de choses et de gens, résumant les misères et les laideurs des dessous infimes de la bohème dramatique. Les murs du salon, tendus d'un papier gris sale, étaient couverts de photographies d'hommes, de femmes et d'enfants prodiges, dans les costumes de leurs rôles principaux, avec des dédicaces pompeuses ou plaisantes à l'adresse du maître du logis, l'illustre Massador. Le mobilier se composait de chaises de crin, d'un grand bureau en noyer de cartonnier, garni de leurs cartons verts sur les étiquettes blanches desquelles on pouvait lire « Premier rôle »,« Père noble »,« Ingénu »,« Ténor léger », etc. Assis sur l'une des chaises, les pieds appuyés au dernier bâton, les genoux à la hauteur de la tête, un grand garçon à la mine grotesquement funèbre et qui devait tenir l'emploi des comiques tristes, débitait de l'air le plus navré les drôleries à une petite femme trapue, aux allures garçonnières, aux cheveux courts, au nez retroussé, qu'il écoutait en riant aux éclats. En face d'eux, sèche, bilieuse et rechignée, une femme déjà mûre, assez prétentieusement habillée d'une robe berchou et d'une rotonde bordée de maigres fourrures, les contemplait avec des haussements d'épaules et des regards de pitié dédaigneuse. Tout à travers allait et venait bruyamment un jeune homme à la figure rougeaude, joviale et effrontée. Gros, court, frisé, avec une raie au milieu de la tête, il portait une chemise de couleur voyante et relevait sur ses bras les pans d'une petite jaquette chinée, de façon à mettre impudemment à découvert ses hanches rebondies et ses cuisses dodues. L'attention des clients de Massador se tourna un moment vers les nouvelles arrivantes, qu'ils dévisagèrent avec un mélange de curiosité maligne et d'indifférence jouée. Puis le jeune homme au veston chiné continua sa promenade, et le comique funèbre reprit son attitude d'homme écrasé par la douleur. Il fredonnait un air mélancolique et langoureux, qu'il interrompait brusquement par un couac, semblable à celui d'un orgue qui se détraque, après quoi il retombait dans son immobilité lugubre, les bras affaissés, les yeux mourants et levés au plafond. « Est-il assez drôle, ce bonhomme-là ? » s'écria la petite femme en riant à se tordre. « Il a de l'or en barre dans le cerveau. » Elle fit un geste de gamin, prit une chaise, et elle allait se camper dessus à chevauchon. « Des mœurs, Héloïse !» dit sévèrement le promeneur au veston court, en clignant de l'œil vers les nouvelles venues. « Il y a des dames !» La petite Héloïse sauta sur un tabouret, et s'asseyant lestement sur le bureau. « Que veux-tu » répondit-elle. « Il y a des moments où je crois que je suis un homme. Tiens, l'autre jour, j'allais grimper sur l'impériale de l'omnibus, si le conducteur ne m'avait retenu par la jupe en me criant « Pardon la belle, les cotillons entrent dans la boîte !»« Y fume-t-on » ai-je demandé. « Pas encore. » « Alors, mon bon, j'attendrai, et mes 6 sous n'iront pas dans ta tirelire. Là-dessus, j'ai décampé. »« Parbleu !» riposta le comique de sa voix désillusionnée. « Tu n'avais que 3 sous. »« Pas vrai. Et la preuve, c'est que j'ai rencontré Catala, et que je lui ai offert des rafraîchissements. N'est-ce pas, Catala ?» L'intéressant personnage qui portait ce nom était occupé dans un coin à déballer de menus objets de parfumerie dont il faisait un petit commerce. Grand, bien découplé, avec une forêt de cheveux noirs traînant sur un col très découvert, pincé dans un gilet étroit qui menaçait à tout instant de se séparer du pantalon, il avait dans la pose, dans le geste et la physionomie, quelque chose qui rappelait à la fois le modèle d'atelier et le pitre des théâtres en plein vent. À l'appel d'Héloïse, il s'avança avec un aimable dandinement, le sourire aux lèvres, roulant ses grands yeux noirs et saluant des bras, de façon à laisser admirer sa main grasse, blanche et ornée de bagues. « C'est vrai, » affirma-t-il, « et même je t'ai vendu un flacon de blanc végétal que tu me dois encore. »« Tu m'ennuies !» s'écria Héloïse en lui tournant le dos. Catala se rabattit sur la dame en robe verte, qui affectait de ne pas se mêler à la conversation. « Dis donc, la belle, » commença-t-il en caressant la rotonde, « toi qui es de la fourrure, tu dois être une bonne pratique. Ne te gêne pas, mon sac est à ta disposition. »« Merci, monsieur Catala. » murmura celle-ci en pinçant ses lèvres minces. « Je n'use guère de tout cela. »« Depuis quand donc ?» s'exclama Héloïse en ricanant. « Je n'ai jamais mis de blanc, moi, » répliqua-t-elle sèchement. « Tu ne vois donc pas que c'est du jaune qu'elle met ?» chuchota le comique d'une voix caverneuse. Héloïse pouffa de rire. « Riez, riez !» grommela la duègne en se drapant dans sa rotonde. « Il fera beau temps avant qu'il vous pleuve des succès comme ceux que j'ai eus en Russie. » « Retour de Russie !» s'écria Catala. « Alors tu es millionnaire !» Et se précipitant sur son sac, il revint l'ouvrir aux genoux de la dame en déclamant d'un ton de montreur de lanterne magique. « Qui veut du blanc, du rouge, du noir, des houppes et des savons ?» Il ravala sa salive et reprit d'une voix de plus en plus aiguë. « Qui veut des ongles roses, des mains blanches et des cils noirs ?»« Tout est dans le sac, choisissez. Les jeunes et les vieilles, les brunes et les blondes, tout ont besoin de Catala. » Le boniment de ce pitre, agenouillé au pied de la duègne, renfrogné et maussade, était débité avec un accent méridional tellement grotesque qu'Angèle ne put s'empêcher de rire, bien qu'elle n'en eût guère envie. Tout ce qu'elle voyait et entendait lui inspirait une répugnance croissante. À un moment, elle s'est élevée et avait voulu partir, mais sa compagne l'avait retenue en lui affirmant que le directeur de l'agence ne pouvait tarder à venir. Elle s'était rassise, douloureusement résignée, et cherchant à s'abstraire du milieu où elle se trouvait, elle fermait les yeux pour revoir du moins en imagination la petite maison de Bélizy, où la veille encore, elle vivait au milieu des roses et des chèvrefeuilles. Quel contraste entre cette pacifique et salubre nature des bois et l'atmosphère de cette pièce sordide, hantée par des comédiens du dernier ordre. Quelle chute! Et quelle honte si René-là savait mêler à une pareille compagnie. À la seule pensée du poète, les sanglots la prenaient à la gorge. Elle évoquait successivement chacune des journées de bonheur passées avec lui dans le bois de Chabille. Elle éprouvait une volupté amère à oublier les dégoûts du présent, en se grisant des souvenirs d'autrefois. Remontant peu à peu le cours des jours écoulés, elle retrouvait l'une après l'autre les simples joies de sa première jeunesse. Elle se revoyait enfant sur les banquettes de la petite salle de spectacle de Baie, tenant son attention toute grande ouverte pour mieux admirer les décors, pour mieux entendre les acteurs, qui lui paraissaient glorieux et magnifiques comme des rois et qui pourtant différaient peu en réalité de ces misérables cabotins, groupés à deux pas d'elle, débraillés, vulgaires, sentant le tabac et l'estaminet. Cependant, Catala, ayant épuisé son répertoire de charges et de grimaces, s'était lassé d'étaler sa marchandise au pied de la duègne. « Et quoi ? » s'écria-t-elle essoufflée. « Tu n'as rien acheté au bon Catala ?»« Rien !» grogna la dame exaspérée. « Alors offre-nous au moins un boc !» insinua le jeune homme au veston en bâillant. « Un boc ? » dit Héloïse. « J'en suis !»« Moi aussi !» déclara le comique. « Mais j'en veux de quoi noyer ma douleur. » On est là, le pauvre diable de l'antichambre lui ordonna d'aller chercher de la bière. « Ces dames en prennent-elles » demanda Catala en saluant drôlement Angèle et Mademoiselle Sabine, qui se hâtèrent de remercier d'un signe négatif. « Laisse donc !» chuchota Héloïse. « Elles font du genre. »« Ça vient nous prendre notre pain, et ça n'a pas deux sous de tempérament. » Angèle rougissait et commençait à perdre contenance quand Massador apparut enfin, escortant une petite femme à l'air éventé et à la démarche sautillante. À la vue du directeur de l'agence, il eut un hurrah général auquel il ne prit pas garde. Il reconduisit la fillette jusqu'à la porte du couloir, lui mit sur le front un baiser paternel, puis rentra d'un air affairé et important. Il approchait de la cinquantaine, était grand, blafard, avec un commencement d'embonpoint. Ses petits cheveux jaune paille, humides et emmêlés, lui donnaient des airs d'un serin qui sort de l'eau. Il n'en semblait pas moins plein de confiance dans son prestige. Posant pour l'impresario, il était correctement vêtu de noir, son gilet à trois boutons découvrait une chemise bien tendue, mais dont quelques taches de café ternissaient la blancheur. Il fut vite entouré par ses clients. « Massador !» lui criait l'un, « n'avez-vous rien pour moi ?»« Massador, mon cachet !»« Mon bon, quand signons-nous cet engagement ?»« Paix, mes enfants » répondit-il avec un geste majestueux. « Un mot d'abord à ces dames. » Et il s'avança galamment vers Angèle et son ami. « C'est juste, » fit Catala en s'inclinant jusqu'à terre, et il fredonna. « Honneur aux nobles étrangères !» Massador obligea les deux jeunes femmes à se rasseoir, et prenant une chaise, se plaça près de Mademoiselle Sabine. « J'ai terminé votre affaire, » lui dit-il. « Vous irez à Tours chanter l'opérette. Ce n'est pas très brillant, mais mieux vaut tenir que courir. » Puis se tournant vers Angèle, « Et vous, mon enfant, que puis-je faire pour vous ?»« Mon amie est une des bonnes élèves de Saint-Félix, » répondit Mademoiselle Sabine en voyant Angèle balbutier et se troubler. « Elle voudrait débuter en province. »« Ah, mademoiselle est une nouvelle recrue. »« Une jolie recrue, ma foi. »« Charmante, charmante. » Et son sourire devint des plus séduisants. « Vois donc, » murmura le comique. « Vois, Héloïse, l'influence du vêtement sur le cœur humain. Massador est-il gracieux ?» Est-il fondant avec la dame aux yeux bleus? La connais-tu? Non. Que crois-tu qu'elle joue? Moi, je parie pour un génie de féerie. Du tout, elle doit jouer le répertoire. Elle a une bouche à ça. Ah, c'est de la haute, reprit Catala, en se penchant vers Héloïse. Regarde sa robe, c'est de la soie, ma chère, de la vraie. Ça grinche. C'est agaçant, dit tout à Héloïse. Massador ne s'occupe que des femmes bien habillées. C'est toujours la même chose. « Moi, si j'étais bien nippé et bien nourri, je laisserais le pain aux autres. » Angèle entendait tout et devenait pourpre. Quant à Massador, il faisait la sourde oreille et continuait ses compliments. « Vous consacrez-vous au drame ou à la comédie? Avec ce joli minois, vous êtes appelé au plus brillant succès. J'aurais justement un emploi bien envié à vous proposer, mais il faudrait vous expatrier. »« Qu'à cela ne tienne, » répondit Angèle, qui avait hâte d'en finir. « J'irai partout. »« Alors passons dans mon cabinet. » Nous signerons l'engagement séance tenante. Il les emmena dans le salon de conférence et, prenant un papier dans un carton, « Il s'agit, continua-t-il, d'une affaire que nous montons à Liège. Vos appointements pour commencer seraient de 300 francs par mois, et vous tiendriez l'emploi de premier rôle en tout genre. C'est une position magnifique seulement, il ne faut pas trop craindre la fumée de tabac, et il est indispensable d'avoir une voix solide pour dominer le bruit des verres et le brouhaha des consommateurs. « Ce n'est donc pas un théâtre ?» s'écria Angèle, effrayée. « Si fait, mais c'est une combinaison nouvelle, un théâtre-restaurant, où l'on distribue à la fois au public la nourriture du corps et celle de l'esprit. » Entreprise pleine d'avenir. Angèle baissa la tête et des larmes lui montèrent aux yeux. Avoir rêvé le théâtre français et tombé dans un café-concert. Mais elle voulait s'éloigner à tout prix, et elle n'avait pas le choix. Elle signa l'engagement, dont Massador lui remit un double. « Vous me remercierez plus tard, » dit-il en lui baisant la main. « Faites vite vos préparatifs de départ. On vous attend là-bas, après-demain, sans faute. » Elle rentrait dans la pièce d'attente et laissèrent Massador aux prises avec l'irascible du hêne. Le comique funèbre avait repris son attitude désespérée. Héloïse, campée sur le bureau, grignotait des cerises. Catala s'approcha de Mademoiselle Sabine. « C'est signé ?» demanda-t-il. « Allons, bonne chance. Trouvez-moi de la pratique à Tours. Vous savez, j'expédie par la poste et je vous ferai un petit lot gratis. » Puis, arrondissant son échine, ramenant ses deux coudes en avant et s'inclinant devant Angèle, « Duchesse !» fit-il avec une voix de théâtre. Et leur ouvrit la porte du couloir, où le pauvre diable en palte noisette, perché sur un tabouret, était plongé dans la lecture d'une vieille brochure fripée. Lorsqu'elles furent sur le carré, Angèle, le cœur gros, s'arrêta pour relire son misérable engagement. « Hein ?» murmura Mademoiselle Sabine. « C'est drôle, n'est-ce pas ?»« Oui. » répondit la pauvre fille en soupirant. « Mais c'est encore plus triste que drôle. »